いいな。ゴンジマール。いいな。Comme l'œuf pourri. Depuis combien de temps n'a-t-il pas aimé pour de vrai une femme, quelqu'un pour qui l'on est gentil?Au lieu de cela, il préfère tergiverser autour de ses problèmes, tant de problèmes.La solution, les solutions, libération dans l'autre, papa, maman lui font toute la journée. À son âge, au Moyen Âge, a déjà 8 chevaux, 4 bébés et lui vit dans la chambre de l'enfant. Et se prend pour un grand, il faut bien qu'il trouve quelque honneur pour exister, même si tout cela est un mensonge que nous voyons avec clarté, et lui est scellé.Crois encore rêver et nous faire envie. Voilà l'histoire d'un homme qui avait oublié de vivre. Une des plus belles de ta renaissance. Tu pourris dans l'œuf, tu délaisses les meufs. Tes parents sont tes keufs. Tu oublies quoi faire? Construire ta tanière et nous rendre fiers, car enfin tu sais aimer. Car enfin tu sais aimer. Car enfin Florian sait aimer cette chose belle qu'il avait délaissée. En adolescence stressée, il allait finir névrosé et je l'ai soigné. Je le vois danser et je le vois chanter et je le vois créer. Les choses pourquoi il est fait. Et le voilà danser et le voilà chanter. Et voilà sa bien-aimée dans leur appartement, mangeant, en baisant, au dormant. Il était si idiot qu'il avait oublié que son cœur avait besoin d'aimer et d'être aimé. Mon Dieu, quel oubli! Oh, quel oubli. Quand il aura 40 ans, une femme de beaux enfants, que nous le verrons, fier et fort il sera, et il dira, merci de m'avoir réveillé, j'avais oublié d'aimer, j'avais oublié d'aimer. Voilà. La la la la la.